monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies, les guerriers m'appelaient grand chef. Au temps glorieux de la web, j'avais des ficelles au képi. Au temps béni des colonies, on pense encore à toi, Rouana. Café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense. On pense encore à toi, Rouana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie. Au temps béni des colonies, autrefois à Colombécha, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit. Au temps béni des colonies, on pense encore à toi, Rouana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense. J'ai tué des panthères à Tombouctou sur le Niger et des hippos dans l'Ubangui. Au temps béni des colonies, entre le gin et le tennis, les réceptions et le pastis, on se serait cru au paradis. Au temps béni des colonies, on pense encore à toi, Rouana. Pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense.